Le plan de cette semaine, assemblage requis. Ah. On parle des nouveautés musicales de la semaine. On jase de nos amis les robots dans la chronique CNX. Et on fait un petit retour sur les mardis de la relève de mardi dernier. On commence en force cette semaine. Bienvenue à Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Oui, Stéphanie qui change de micro comme ça, mais bon, ça... Ouais, c'est ça. Je te l'avais pas dit, hein. Je m'excuse. Pas grave. Il y en a qui passent inaperçus. On en a tellement ici, ça, on se perd les micros. Ouais, tout comme les chaises. C'est ça, ben oui. Aussi peu de place pour tant de choses. Même chose pour le plan de l'émission d'aujourd'hui. On a beaucoup de choses en très peu de temps. Hein? C'est pas merveilleux, voilà. Ça. C'est poétique, presque. Aujourd'hui, dans l'émission, on va avoir une chronique technologique CNX sur les robots. Donc, on va parler de choses futuristes. Ça promet. Toi, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je vais parler des nouveautés musicales. J'ai un petit peu de spectacle. Il n'y en a pas beaucoup qui s'en viennent ces temps-ci. On parle aussi des mardis la relève qui ont fini cette semaine. Et aussi, on va avoir une chronique de Vidon-Ladon, la question. Oui, exactement. Une bonne capsule humoristique. Évidemment, on va avoir les faits divers, véridiques, véritables et vérifiables dans C'est un fait. Et ta chronique, ton plat favori. Absolument. Faudrait pas oublier ça non plus. À un moment donné, le petit plat, là, il se fait attendre avec son petit ruban collant dessus, avec un tape et du stylo feutre, là. Il nous attend. Ouh. Commençons en musique, comme on le fait toujours, avec Phoenix, cette fois-ci. Oui, la pièce Let's Stone Main. Au 89.fm, vous êtes dans l'assemblage requis pour un bon 3 heures de qualité. Sauf le début. Et peut-être la fin. Le milieu est pas si pire, vraiment. Showtime, this is showtime, this is showtime. question for you. I got a question for you. Where'd you get your name from? Where'd you get your name from? I got a question for you. Where do you see yourself in 5 minutes' time? With a laugh like that, or a look like that, you make us all feel good. Like it's a smutty joke, but with a laugh like that, or a move like that, you make us all just go. Pressure, why you wearing what you wearing? Where will your life be gone in 5 minutes? So say something stupid, you know that you love to. Whoa, whoa, look out, you're what you came for. You're what you came for. No breaking, no doubt. Assemblage requis avec Mathieu Plante à C'est fou 89.1. bien celle-là, là, c'est celle-là. Ouais. Absolument, j'ai mis 4. The Stills et Don't Talk Down dans Assemblage requis sur C'est fou 89.1 FM. Oui, l'émission en pièces détachées. Estivale. Ben, c'est l'été aux dernières nouvelles. Ouais, on s'en est rendu compte, je pense, cette semaine. C'est ça, selon mon chandail. Je suis tellement contente qu'il fasse pas aussi chaud que hier et avant-hier et avant-avant-hier parce qu'on serait mort en studio. Mmh. Tout à fait. Le studio est, je sais pas comment il s'organise avec le chauffage dans l'université, mais particulièrement chaud. Mais moi, je pensais pas si pas, je m'attendais à vraiment pire. Attends après 5 heures, toi. Ouais. On va voir ça. Bref, avant d'entendre The Seal, c'était Franz Ferdinand avec la pièce What You Came For. Excellent album, l'album Tonight, leur dernier album. Tu les as vus en spectacle, toi? Hein? Oui, je les ai vus en spectacle l'été dernier, au mois d'août. Je les ai vus au Metropolis. Et est-ce que tu savais qu'ils ont travaillé avec Marion Cotillard? Marion Cotillard? Oui, pour une campagne de Dior. Ils ont pris une chanson de Franz Ferdinand, okay, que Franz Ferdinand a écrit, mais c'est Marion Cotillard qui a chanté. Et c'est vraiment comme un vidéoclip, mais c'est une annonce pour Dior. Ça dure 3-4 minutes. OK. C'est sur YouTube, j'imagine, voyons. Oui, c'est sur YouTube. Faut aller voir ça. Je te donnerai le lien tout à l'heure. C'est ça. Marion Cotillard, sûrement qu'elle devait s'appeler dans la pub. Cotillard. Bon. Bref, tout à l'heure, après le prochain bloc musical et après qu'on se soit fermé la bouche, hein, on va avoir une petite chronique de spectacle. Yes, why not? Why not peanut? C'est ce qu'on dit. Mais pour l'instant, en musique, on écoute du Charlotte Gainsbourg. Oui, du Charlotte Gainsbourg. J'aime bien prononcer du français comme mal, genre. Charlotte Gainsbourg. Et on va aller écouter Le chat du Café des artistes. Oui, ma pièce préférée, pas du tout. Je suis pas capable, cette pièce-là, mais toi, tu l'aimes, par exemple. Mais je l'aime, mais c'est hyper dépressif. Et voilà. Amusez-vous. Sur C'est fou. dire, impossible à faire. Fallait pas éteindre mes lumières. Des morceaux de pêche dans le fond, c'est comme des fruits au fond d'un yogourt, c'est ça? Non, il n'y a pas de fruits dans du schnapps aux pêches, Mathieu. Ben là, je m'attendrais à avoir des pêches. Mais non, c'est juste de l'alcool. OK. C'est bien, bien dégueulasse. Pas de noyau non plus. On parle de cerveau, en passant. C'est un nom, ça s'appelle le cerveau. Oui, ça s'appelle un cerveau, c'est un petit shot, là. Oui. Un petit shooter, puis tu mets du schnapps aux pêches, comme ça, tu rajoutes du Baileys. Tu prends full vite parce que le Baileys, il caille. Okay. Ça fait comme des motons, c'est vraiment dégueulasse. Ça s'appelle un cerveau parce que ça te monte comme quand tu manges de la crème glacée, ça te monte à la tête, t'as la tête qui... Non, c'est parce que ça vraiment, visuellement, ça ressemble à un cerveau. Ah, le monde mange, là! Yeah. Sûrement, peut-être, je sais pas. Peut-être. Sûrement pas, en fait. Peut-être une collation, une petite biscotte, une petite biscotterie. Bon, c'est niaiserie, on va parler de choses véridiques, véritables et vérifiables. Dans la chronique, c'est un fait. Hein? Parce que Stéphanie, elle aime m'apprendre des choses là, hétéroclites un peu. Absolument. Mot qu'on n'utilise pas assez souvent, c'est pourquoi? Hétéroclite. C'est vrai. Je pense que j'ai jamais utilisé ce mot-là de ma vie. Et voilà! Faut bien commencer quelque part. Savais-tu, Stéphanie, que le poids total de toutes les fourmis sur Terre est environ le même poids que tous les humains sur Terre? Hein? Oui, le poids total de toutes les fourmis, même poids que les humains. Incroyable. My God! T'imagines combien t'en manges dans une nuit, fait qu'en plus, tu dois peser encore plus le lendemain matin. Yark. Petit test pour toi que tu feras à la maison. Je sais qu'à la maison, t'as des œufs. Sûrement des œufs. T'as des œufs à la maison. Non, mais je peux voler celui de mon coloc. Okay. Donc, t'essaieras de prendre un œuf par les deux côtés, les côtés les plus pointus là, d'un œuf. T'essaieras de squeezer l'œuf ben fort au-dessus d'une poubelle, peut-être, là, au cas où t'aies vraiment peur. Mais squeeze, tu vas pas être capable de le casser. Ouais? C'est vrai. Impossible. Et même que j'avais vu un test genre à la télé, je sais pas trop comment il avait fait ça, mais il avait mis des œufs à la verticale dans un carton d'œuf, puis il avait mis des livres dessus, puis ça pouvait pas écraser les œufs. Donc c'est vrai. Véridique, véritable, vérifiable. Un autre test à faire, prends ton âge, pense-y un peu, prends ton âge, multiplie-la par 7. Je sais que c'était difficile de multiplier par 7 parce que ça a comme, c'est pas comme des 5, c'est difficile. Ensuite, multiplie ça par 1,443 et le produit va répéter ton âge 3 fois. Tu me l'as pas déjà dit, ça? Non, je pense que c'était un autre calcul que j'avais fait. Attends une minute. Mon âge? Ouais, multiplié par 7. Oups, non, c'est pas mon âge, ça. Multiplié par 7. Ensuite, multiplié par 1,443. Maintenant que tu m'en reparles, ça se peut que tu l'as déjà fait faire, finalement. Ça va répéter ton âge 3 fois. Est-ce que c'est le même chiffre que tu m'avais fait l'autre fois? Ouais. C'est ça. Super. Un autre test, celui-là, mais tu pourras pas le faire devant moi. Et celui-là, je pense pas que je l'ai fait déjà. Jamais. C'est de mettre deux pailles dans ta bouche. Une dans un verre avec quelque chose dedans à boire et l'autre à l'extérieur du verre et on dit que tu seras pas capable de boire par aucune des deux pailles. Impossible. Je vais essayer. Ben c'est ça. Essaye-le à la maison, là, sur le patio. Savais-tu que la statue de la liberté, ses pieds mesurent 25 pieds de long? Ce qui veut dire que si elle portait des souliers format américain, elle porterait des souliers 879. Grande taille. Une femme forte, la statue de la liberté. Les Américains font l'amour 118 fois par année, ce qui est en dessous de la moyenne de 127. Ouais. Et c'est les Européens de l'Est qui font l'amour le plus souvent. C'est vrai, eux, ils font l'amour environ 150 fois par année. Les pays qui font l'amour le moins souvent sont la Suède avec 102 fois par année, la Malaisie avec 100 et Singapour avec 96. Wow! C'est beaucoup de chiffres. Le policier du jeu Monopoly a un nom. Vous savez tout ça? Que tu ça? Non. Il s'appelle l'officier Edgar Mallory. Donc, vous le remercierez la prochaine fois que vous passerez en prison sur Monopoly. James J. Ritchie de Dayton en Ohio a développé la caisse enregistreuse à la fin des années 1870 pour empêcher les vols des employés. Mm-hmm, c'est vrai, 1870, imagine, la caisse enregistreuse en 1870, ça fait longtemps. Oui. Savais-tu que Mr. Clean, ou on l'appelle au Québec Monsieur Net et en France Monsieur Propre? C'est vrai. C'est pas ça le fait. Je suis allé voir sur YouTube des publicités de Monsieur Propre. Là. Ça fait dur, ça. En France. Monsieur Propre. Donc, Mr. Clean a un nom, un prénom qui est rarement utilisé. Il s'appelle... Devine comment il s'appelle, Monsieur Propre. Monsieur Net. Denis. Denis Net. Non, il s'appelle Veritably. Ouais, parce que ça vient d'un concours qui s'appelait Donner un nom à Monsieur Net en 1962 et le public a choisi Veritably. Donc Veritably Clean, véritablement net. C'est fun. La compagnie Procter & Gamble a choisi le nom Pringles à partir d'un annuaire de Cincinnati. Ils aimaient le nom de Pringle Drive, qui est à Finney Town. Donc Pringle Drive a donné Pringles, les chips croustilles Pringles. Évidemment, un fait très, très inutile à savoir, c'est que le plus petit pénis humain à jamais avoir été enregistré mesurait que 5 huitièmes de pouce, 1 cm de long. Ouais, c'est à peu près la largeur d'un pouce. Est-ce que tu as vu sur YouTube, mais là, je pense qu'il n'est plus là, mais ça se promenait sur Facebook à un moment donné, une vidéo d'homme qui se présente dans un concours avec le plus petit pénis. T'as pas vu ça? Non, ah, je suis surpris que le gars se présente dans un concours et le montre. Mais je suis plus capable de le retrouver. L'autre jour, j'ai essayé de le montrer à un de mes amis, mais je l'ai plus retrouvé. C'était vraiment drôle. À un moment donné, il y a un gars qui arrive, puis on voit rien, là. Ouais. On voit rien. C'est à l'intérieur, presque. Tasse. L'herbage. Les. Non, la botanique. Peau, hein. Ah, la peau! Oui, il faut qu'il fasse. Genre de. Oui, ben, ouais, bah. C'est un petit peu trop graphique, je trouve, là. C'est un peu vulgaire, là, à la radio, quand même, là. Sûrement qu'il était tellement petit que la vidéo est partie se cacher sur YouTube. Bon. Et finalement, la population de l'État de la Californie est plus nombreuse, plus populeuse, mettons, populeuse, on veut utiliser le mot populeuse, mettons, bon, que le pays du Canada, que tu connais peut-être. Donc, la population de l'État de la Californie, plus de gens que dans le Canada au grand complet. La population de la Californie en 2009 était estimée à 36 961 664 personnes. C'est plus que les 33 487 208 du Canada, donc 36 millions environ contre 33 millions. La population des États-Unis au complet, presque 10 fois ça, à 307 212 123 personnes. Et là, je sais pas si c'est aussi en 2009, mais ça en fait des tatas. Des tatas. J'avais dit que c'était le dernier, mais j'en ai un autre que je trouvais intéressant, un petit peu plus long celui-là. Savais-tu que la créatrice du crochet de Nike, le crochet, le swoosh qu'on appelle, a été payé seulement $35 pour son design. C'est vrai, Nike a payé Caroline Davidson, une jeune étudiante en design graphique. Il a payé $35,000 pour le célèbre symbole. Le fondateur de Nike, Phil Knight, enseignait la comptabilité à l'université Portland State University. Quand il a rencontré Davidson, il l'a engagé pour faire un petit peu de travail du design pour sa compagnie qui était Blue Ribbon Sports Inc. Pour une présentation avec des investisseurs potentiels, Knight avait besoin de design pour une ligne de souliers. Donc, ils étaient face à un deadline, donc ils avaient à se dépêcher. Donc, Davidson a rapidement dessiné plusieurs designs. Un d'entre eux était le crochet. Et voici ce que Knight a dit à la personne après avoir vu le design. Il a dit, je cite, « Je t'aime pas, mais je pense que je vais m'habituer. Je pense que je vais finir par aimer ça un moment donné. » C'est un peu la citation qu'il a dit, « I don't love it, but it will grow on me. » Il a donc payé $35 pour le design à ce moment-là, mais par contre, et là, la fin de l'histoire est un petit peu plus joyeuse que seulement $35, il a compensé pour le futur, donc en lui donnant des bourses dans la compagnie. C'est du boursier, tu donnes comment t'appelles ça, un truc, là, tu sais, que tu lui donnes un pourcentage, là, de si la compagnie va bien, tu fais de l'argent. Là. Une cote en bourse, genre. Truc. Ah, je sais qu'est-ce que c'est. Une sacoche, non. Une sacoche. C'est pas la bonne bourse. Ah, puis ils ont aussi donné une bague avec le crochet dessus en or. Wow. Le crochet de Nike, c'est une bague, toi. Hein? Bon. Voilà pour la chronique. C'est un fait, des choses véritables, véridiques, vérifiables. Pour la plupart. Pour la plupart. Ouais. Plus tard dans l'émission, on va avoir plein d'autres chroniques pour vous. Stéphanie a son plat favori, Tupperware avec un petit tape dessus. Tantôt. Ouais. On va aussi avoir une chronique technologique CNX, mais pour l'instant, on s'en va entendre un petit peu de messages d'intérêt public de la part de nos sympathiques et généreux associés contribuables à la vente de produits différents à différents prix dans différents commerces. Comme cocotte. Comme cocotte. Qu'elle s'appelle cocotte, vieille bagnole, bazou, taco, minoune, votre vieille voiture peut terminer ses jours la tête haute et aider à sauver des vies. C'est fou. À l'UQTR, R. Vous écoutez Assemblage requis. It's been days now, and you change your mind again. It feels like years, and I can tell how time can bend your ideas. And the boys go on and on and on. Go on and on and on and on. And there's gold falling from the ceiling of this world, falling from the heartbeat of this girl, falling from the things we should have learned, falling from the things we could have heard. Well, it's been days now, you change your mind again. Oh, the cracks in the walls remind you of things we said. And I could tell you that I won't hurt you this time, but it's just safer to keep you in this heart of mine. And the boys go on and on and on and on. And the boys go on and on and on and on. And there's gold falling from the sea. Matt and Kim avec Good Old Fashioned Nightmare dans l'assemblage requis. Mais quel pas cauchemar du tout, c'est un rêve. Je rêve, je crois rêver. Oui, j'adore cette chanson-là, toi aussi, je crois. Ah, j'adore ça, c'est vraiment catchy. Ouais, c'est super bon. Et avant, on a entendu Angus and Julia Stone, que tu viens de découvrir et que t'aimes. Ben oui, moi, ça me fait penser à un Burger Angus. Avec la pièce And the Boys. Et justement, je vais vous parler des spectacles qui s'en viennent. Et le premier dont je vous parle, c'est Angus and Julia Stone. Quel hasard incroyable! Ben oui, j'en reviens pas. C'est pas du tout planifié. Ça fait tellement radio. Donc, ils ont un spectacle le 30 mai à l'Astral. Parlant de radio. Ah, ah, ah. Écoutez, une station. Bon. Astral Media. Oui, quand même pas. Là. OK. T'ambitionnes, là. Ensuite, mes deux autres spectacles, c'est en région. Le 1er juin, il y a Greg McPherson qui va être au Gambrinus. Et le 2 juin, mercredi prochain, c'est un spectacle que je vais aller voir. Est-ce que tu connais Dee? Oui, l'artiste Dee. Oui, ça a été un extrêmement gros hit pour C'est fou, ça. C'est lui qui a fait la trame sonore de l'horloge biologique, entre autres. La pièce Summertime, tu connais? Non. C'est ça. Faudrait que j'aille l'écouter. C'est ça que je dis, c'était assez fou. C'est ça que je dis. Alors, c'est ça, lui et son ami Max présentent Soft Swap à l'embuscade. Ah ouais? Ouais. Tu vas nous en parler quand tu vas y aller? Oui, absolument. C'est sûr que j'y vais avec des amis à moi. Le 2 juin, c'est à 9h, c'est 5$ et vous avez une consommation gratuite. Wow! Alors, vous en avez pour votre argent. Tellement. 5$, une consommation et un show. Le show vaut comme 50 cents par rapport à la bière. Je sais pas, là. Ouais. Ça vaut la peine. Ça vaut absolument la peine. Je sais même pas combien ça coûte une bière dans un bar, ça paraît-tu? Je sors pas, ça paraît. J'achète pas de bière, fait que je le sais pas plus que toi. Bon, mais Caroline, partons un club. Mais pas un club-club comme un club où tu sors, là. Comme un club, comme... Okay. Ouais, comme un groupe. C'est ça. Une association. Partons un groupe Facebook. Absolument. C'est déjà tout pour mes spectacles. Il y en a vraiment beaucoup. Non. C'est triste, mais c'est parce que ça n'a pas encore commencé, les festivals Oshaga, entre autres. Et quand ça commence, vous allez le remarquer parce qu'il va y en avoir des tonnes en même temps. Ouais. Ils vont se chevaucher, puis ça, vous ne saurez plus où aller. Ça va vous coûter des tonnes d'argent. Vous allez être comme déprimé parce que vous n'aurez pas d'argent pour rien faire d'autre qu'aller dans les festivals. Mais bon. On dirait que tu parles de moi l'été dernier. Hey, salut. Ah! Exactement ce que j'ai fait de mon été. Spectacle après spectacle. Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais ça vaut tellement la peine. Et voilà, quand t'as du plaisir, à un moment donné, qui compte? Hein? Exactement. Who's counting? Who's counting? Voilà. Sûrement pas votre comptable parce que vous n'avez pas de budget pour payer un comptable. Moi non plus, j'ai pas de comptable. C'est mon père qui fait mes impôts. Ouais. Est-ce qu'on va faire jouer un peu de musique? Ben, pourquoi pas, je vous dirais que dans une émission de radio, ça fit plutôt bien, la musique. Quand même, assez, moi aussi, je me disais ça. Pas pire. Alors, on va aller écouter du Broken Social Scene avec la pièce Texaco Bitches. Oh, bitches! Oui, très bonne pièce. On joue ça à votre radio. Yo! C'est vous, 89,1 FM. Yeah, in the house! Yo! Ouais. On n'est pas très bon. On l'a pas, hein? Non, on l'a vraiment pas. Non. Friend.

veux point mettre sur le spot, bah t'es cliché, hot urban style, turn fit. Y'a des femmes qui t'écrasent avec la levier flag, comme un changement de nom. 3 jours à la mode, 4 jours les flammes. So, écoute les sons qui dit que t'es bon, je te dis que t'es bon, c'est ça qui vend. Positive reinforcement pour les enfants. Oh, jet never mind, le boss dit non. Le monde refuserait, le rejecterait, le traduirait, puis ils finiraient à l'entendement. Jusqu'ils l'acclameraient et l'écouteraient, et diront qu'à parce qu'il aimait. Oh, ouais, y'a ta grace, c'est ta mon favorite. Révolutionnaire, il faisait vraiment de la suite. Rien qu'une fois que t'es gone, que tu sois venu, ton image à la mode, même si personne t'a vu. Un ruisseau, tout le monde le veut. Un ruisseau, tout le monde est né. Un ruisseau, tout le monde le voit. Un ruisseau, tout le monde est là. Un ruisseau, tout le monde le veut. Un ruisseau, tout le monde est né. Un ruisseau, tout le monde le voit. Un ruisseau, tout le monde est là. On vient d'entendre la pièce. La pièce. La pièce. La pièce. C'est le même qui dit ça au Nouveau-Brunswick, je pense. Ouais, la pièce cliché hot de Radio. Radio, Une bonne pièce de Muzak? Genre. Non, c'est la pièce la plus ridicule au monde, je trouve. J'ai jamais entendu autant de non-sens, mais j'adore ça aussi. Elle est tellement entraînante. Vraiment. Et j'aimais même pas Radio quand ça s'est sorti. OK. Mais à cette heure, est-ce que leur nouvel album, tu l'aimes un peu? Cargo dans ma chaise? Puis... Je commence à l'aimer. Je l'ai vraiment pas aimé quand il est sorti, mais là... It's getting under my skin. Oh wow, qu'on s'habitue. C'est comme, ben, même les affaires mauvaises, on peut s'habituer avec le temps, mais ça, c'est bon. Bon. OK, je pense qu'on va s'habituer à quelque chose d'autre, de différent, quelque chose qu'on fait pas très souvent à l'émission aujourd'hui. Une chronique qu'on appelle avec un nom plutôt bizarre. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Hein? J'ai hâte de voir ça. Donc, c'est tout ce qui est pas gadget, dans le fond. J'essaie de prendre le plus de choses qui ont pas rapport, qui devraient peut-être pas exister, pour régler les problèmes qui ne devraient pas être tellement réglés, qui existent peut-être pas. Mais en même temps, ça peut être des gadgets, mais pas nécessairement des gadgets électroniques, tu sais. C'est pas une chronique CNX. La ligne est comme floue un peu, là. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on branche ou qui a un circuit dessus. Ça peut être une affaire de bois, peut-être une affaire de caoutchouc, peut-être du plastique, mais ça peut aussi en être un gadget. Mais ça rentre pas dans le chronique Google Gadget de CNX. Comprends-tu jusque-là? Vas-y. On va essayer. C'est ça. Ouais, lançons-nous. Commençons avec les compagnies de boissons gazeuses. Hein, qui ont besoin de façon de montrer leurs produits. Tu sais, bon, ils ont pensé des fois à des top modèles, des vedettes, des publicités à millions de dollars. Là. Mais le secret optimal, la meilleure chose à faire pour afficher leurs produits, c'est un appareil de lévitation comme ça. Okay? Donc, ça vient de China Vision. Tu attaches une petite bague spéciale sur une canette de liqueur. Tu branches le truc dans le mur. Là. C'est une affaire de démon, je ne sais pas trop quoi. Et là, la canette va avoir de flotter à l'intérieur de ce petit bidule-là. C'est comme un genre de cercle. Et dedans, t'as la canette de liqueur qui a l'air de flotter. Et apparemment que ça fonctionne avec des bouteilles aussi. Mais à quoi ça sert de voir ta bouteille ou ta canette flotter? Absolument rien. D'où le but de la chronique. C'est parfait. Voilà. Ça coûte environ 55$ chez China Vision. Prochain non-gadget, je sais même pas comment appeler ça. Prochain truc patente à gosse. C'est fait pour ceux qui vivent dans un très petit appartement. Vous avez un et demi, vous avez des gégus, vous avez des choses qui ont pas vraiment d'importance. C'est le Flat Light Poster, c'est parfait. C'est écrit par Finn McGee. D'accord? C'est un poster avec l'image d'une lampe de bureau. Et ça se branche dans le mur. Et puis t'as une petite lumière, une petite LED, tu sais, les petites lumières là, qui prennent quasiment pas d'électricité, à l'intérieur de ça. Et puis ça fait comme une vraie lampe. Ça éclaire autant qu'une vraie lampe, mais c'est un poster qu'on branche dans le mur. C'est incroyable. Le gars a eu l'idée en 2007. Il avait installé une lampe dans son bureau. Puis il se disait, waouh, ça crée une atmosphère géniale. Je me demande si je pouvais juste faire un poster. Prenez-moi une place. T'sais. Peut-être que ça recréerait la même ambiance. Donc voilà. Ça coûte, et là vous allez être surpris, 195$. Et il en a seulement produit 50. Ouais, mais c'est un début. Là. Le gars, il a eu cette idée-là. Il fait ça dans sa maison. C'est n'importe quoi. C'est pas une chaîne de travail. C'est ça pour avoir une lampe qui prend moins de place. Et voilà. Tu sauves combien de place? Là, peut-être 3 pouces. Que? Ben, je sais pas. Bref, le Flat Light Poster. Et en plus, ça dit que ça devient pas chaud. Et puis, ça peut pas causer de feu. Donc, les avantages sont là pour 200$, hein? Parce que moi, chez nous, ça m'arrive très souvent que mon appart pogne en feu à cause de mes lampes. C'est la première cause des feux, l'appartement, la lampe. C'est ton bureau. Un autre truc... pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'espace chez eux, mais qui aiment utiliser un portable. Tu sais, souvent, quand t'es à la maison, t'as un portable, tu mets ça sur tes cuisses, là, t'as un chaud. Il fait comme 37 degrés chez vous. Là. En plus, ton ordinateur qui fait comme 50 degrés sur tes cuisses, c'est chaud. C'est pas bon pour les hommes, je pense. Non, sûrement. Je pense qu'il y a une affaire de... De zouizoui? Oui, de zouizoui. Sûrement, sûrement. Donc, vous aimez pas ça, mettre votre ordinateur sur votre cuisse, mais vous voulez l'avoir proche de vous, dans le divan, dans le salon, etc., etc. Donc, cette table-là, qui a l'air d'une table complètement normale, mais c'est tellement spécial, tu peux soulever avec des pentures, tu peux soulever le dessus de la table et l'approcher vers toi. Et là, vraiment, tu peux la monter de 15 pouces et l'avancer. C'est monté de 31 pouces et avancé de 15 pouces. Donc, ça amène la surface de la table directement sur tes cuisses. Tu mets l'ordinateur dessus. Si tu es dans un petit appartement, c'est génial. Ça coûte 200$, donc quand même cher pour une petite table. Mais apparemment, ça pourrait fonctionner aussi comme table de cuisine. Donc, si vous avez des chaises particulièrement hautes que vous voulez lever, je sais pas. Mais ça fonctionne partout. Petite table, jolie, pour un portable. Table portable, tu sais. Hein? C'est beaucoup mieux que les petites tables, tu sais, les petites tables merdiques qu'annonce à TV, là, de plastique, là, que tu peux comme... C'est, ça ouais. Va pas bien, ça. Ça balotte, c'est pas le fun. Faut tout le temps que tu la démontes, puis c'est pas beau, en plus, tu sais. Le M-Forcer a l'air d'un fusil, là, tout ce qu'il y a de plus jouet, là. Ça peut tirer 15 mini-guimauves en même temps et rapidement, en succession, là, rapidement, vraiment... Donc, aucun chocolat chaud va résister à ça, dit l'article de nerdapproof.com. Et si tu veux, si tu as une plus grosse cible, un plus gros biscuit sur lequel tirer tes guimauves, il y en a un pour les grosses guimauves aussi. Donc, c'est génial. 40$ pour ce fusil-là. Je te tire 15 guimauves d'en face, toi. T'aimes pas ça, des guimauves? J'aime même pas ça, les guimauves, pour vrai. Puis les s'mores, tu sais, les biscuits, chocolat et guimauves fondus ensemble dans une plaquette, non? Non. Ah. En tout cas... joli petit pas gadget. Encore une fois, ce ne sont pas des gadgets parce que c'est pas une chronique de gadgets ici. C'est la chronique. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Ouais. Ici, c'est un remède pour la situation. Il faut vraiment régler des problèmes dans cette chronique-là. Donc ici, t'as le problème que t'as un livre et t'as pas de signet. Tu sais, quand tu commandes un livre sur, mettons, Amazon, n'importe où, moi, j'aime bien commander mes livres sur Internet, tu sais, une façon de faire, ça pourrait être de prendre la feuille de ta commande qui vient avec, tu sais. Non, c'est plate. À la place, tu te fais imprimer sur ce site-là un PDF, OK? Tu fais imprimer ça et c'est une petite disquette avec le mot « save » à côté, comme dans un document Word. Tu sais, dans un document Word, t'as une petite disquette, un petit bouton avec un petit clic sur la disquette. Ouais. Mais c'est ça, mais en signé, tout cas, hein? Wow! C'est un PDF que moi, tu fais. Moi, je prends juste une facture quelconque dans mon portefeuille. Ouais, mais une facture, c'est trop mince, là. C'est facile à s'envoler. Un petit coup de vent, puis bye-bye, là, tu sais. Pas si ton livre est fermé. Tu fermes tes livres, toi, tu lis pas assez souvent, ça. Je sais pas. Est-ce que le monde est prêt pour les nipple enhancers? Oui, il fait chaud en ce moment, donc peut-être que vous avez pas le problème d'avoir les tétines sur un high. Je sais pas comment dire avec classe à la radio. Les tétines sur un high? Tu peux pas avoir de classe en disant tétine. C'est ça, je me disais. Donc, un magasin basé au Royaume-Uni, Selfridges, vend ses Body Perks. C'est des nipple enhancers. Là, j'utilise beaucoup de termes en anglais, mais c'est des Body Perks, donc des avantages corporels, si on veut. Des nipple enhancers, des augmenteurs tétiniers, je dirais. Presque. Donc, ils disent le natural look is back. Et là, je parle vraiment comme un gars de Nouveau-Brunswick. Du Nouveau-Brunswick. Le look natural is back. Les nipples are in. Oui, apparemment que c'est à la mode en ce moment d'avoir Donc, ils vendent ça. Ça coûte 10 livres ou encore 14$ chez Fab Sugar UK. En fait, le site où vous le commandez, le lien est sur le blog assemblagerequis.com. Mais bref, ça te donne l'impression d'avoir des... Bon. Une autre modification corporelle que vous pouvez faire, c'est une super grosse poche. C'est un chandail avec une très grosse poche. Ça vient d'Australie. C'est une compagnie de vêtements qui fait ça. Ils ont créé le High Dress et le High Tee. Donc, ça peut être une robe, ça peut être un T-shirt avec une pochette renforcée, presque invisible, mais en même temps confortable pour le iPad. Tu sais, le iPad de Apple. Ouais. Une poche dans ta robe ou dans ton chandail. Comme ça, tu peux le montrer, mais quand tu l'enlèves, ça cache. Ça paraît pas que c'est une poche. Tu comprends ça? C'est n'importe quoi. Ouais. On devrait vraiment pas avoir ça. Non, je sais, ça devrait pas exister du tout. Les Legos, c'est toujours à la mode. Les enfants, encore aujourd'hui, jouent avec des Legos. Mais ton clavier, ton portable manque de touches Lego. Tu veux transformer ton clavier pour qu'il ait l'air Lego, pour qu'il ait l'air d'un jouet. Tu viens d'acheter un nouveau MacBook Pro, mettons, puis tu veux l'enlaidir. C'est un gars sur Etsy, qui est un site où les gens peuvent vendre des trucs. C'est un utilisateur qui s'appelle Open and Close qui offre des autocollants qui ressemblent à des briques Lego. Donc, tu mets ça sur tes touches de portable et tu remplis de nostalgie à chaque fois que tu sors ton laptop. Ça coûte 15$ pour le paquet au complet et le créateur dit que ça s'enlève facilement et que ça ne laissera pas de dégâts. Comment gâcher le look? Déjà que ton portable, quand tu l'achètes, vient avec un collant de certifié Vista, puis vient avec une carte vidéo Nvidia, puis tu sais, tous les collants de merde qu'il y a sur les portables de nos jours, à part sur les produits Apple. Mais ouais, en plus, tu l'enlèves avec ça. Parlant de produits Apple, je n'ai rien contre les touchscreens. Je trouve ça vraiment génial, les touchscreens. Un article sur Ogizmo.com nous rajoute un petit gadget qui a été inventé par DS Labs. C'est un bouton. En fait, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter pour l'instant. C'est quelque chose qu'il va falloir que vous fassiez vous-même. Là, il y a une vidéo pour vous montrer comment, etc. Et les instructions. Mais c'est un bouton, littéralement, que tu colles avec une ventouse sur... Ben, pas une ventouse, parce que ça ne tournerait pas, là, mais quelque chose. Tu plugues sur ton iPhone et tu peux soudainement tourner le bouton pour faire des actions à l'écran. Tu sais, à la place de prendre, tu sais, sur un iPhone, tu peux prendre tes deux doigts puis faire tourner une image avec ton index et ton pouce. Ici, c'est un bouton, donc tu peux faire le même mouvement. Dans quelle situation est-ce que tu voudrais avoir un bouton à traîner et mettre sur ton écran au lieu d'utiliser tes deux doigts? Je ne sais pas, mais ça existe et vous pouvez le faire. Hein? À date, tu comprends-tu le principe de ça, ouais, ça existe, mais ça devrait pas. C'est vraiment niaiseux. Ouais. Parapluie pour les amoureux du café maintenant. C'est un parapluie, littéralement, avec à la fin de son manche, un rond, et tu peux insérer ta tasse de café dedans pour traîner ton café. Ouais, c'est seulement un concept en ce moment, donc ils espèrent trouver une compagnie pour distribuer le produit et le vendre, mais c'est l'idée qu'ils ont eue. Même chose pour cette superbe ceinture. C'est la Hermès Folding Travel Belt avec 6 pentures. Une ceinture à pentures où tu peux la plier et la rendre plus compacte pour l'amener en voyage. Parce qu'une ceinture, on sait que ça prend de la place, là, hein? La ceinture, une fois roulée, ça prend là, des millimètres de largeur. Ça prend tellement de place, j'avoue. Ouais. Je suis complètement d'accord. Et combien tu penses qu'ils chargent pour une ceinture que tu peux plier comme ça sur des pentures? C'est vraiment des pentures là, que tu peux défaire la ceinture. Je sais pas, 40, 50? 40, 50, 730 $ Ouais, en ce moment en tout cas. Et ça sortira pas avant le mois de juillet. C'est n'importe quoi. Vraiment. Autant n'importe quoi que on va terminer bientôt, je pense, avec quelques derniers petits trucs en rafale, toi. Des casques, c'est une bulle, un peu comme les astronautes. Tu te mets cette bulle-là sur la tête, il y a un trou dans le milieu. Et comme ça, mettons, tu vas dans un café, on n'en nommera pas de nom, parce que si je dis non, c'est quelqu'un qui annonce assez fou ou à la zone campus, ce genre de gens, ça pourrait nous créer des problèmes. Mais une place où tu peux aller... proche, ici, où il y a la musique beaucoup trop forte. Oui. Tu peux parler dans l'oreille des gens. Donc, vraiment, t'as un casque de cosmonaute avec un trou, puis là, tu peux chuchoter des phrases comme genre « Non, je coucherai pas avec toi parce que t'as un casque de fou sur la tête », genre, mettons. C'est un peu ça. Une autre, c'est une carte de souhait que quand tu l'ouvres, ça peut devenir un masque de super-héros pour mettre sur ta tête. C'est une carte de souhait, ouais. Et une fourchette, finalement, ça s'appelle la Fork and Cream Sauce, donc... fourchette et sauce à la crème, qui est une approche unique au cable management. Donc, si vous avez de la misère avec vos fils sur votre bureau, tu sais, un fil de gadget qui pend sur votre bureau, c'est une fourchette où tu peux prendre ton fil, l'entortiller comme du spaghetti, planter dans la sauce, qui est une surface blanche, comme si tu as l'air d'avoir mangé des fils. C'est vraiment inutile, j'en reviens pas. Ça n'a pas de sens, je sais. Ça vient de Loft Design. Les liens sont sur assemblagerequis.com si jamais vous voulez vous acheter un de ces produits-là. Et si vous le faites, c'est que vous avez beaucoup trop d'argent, donc envoyez-en, c'est fou pour nous aider un peu. Ouais. C'était la chronique, ça existe, mais je ne devrais pas. On l'a. On va aller en musique maintenant à Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées. On va entendre un petit peu de Pine Cones, une très, très, très, très excellente pièce du palmarès en ce moment. C'est I Think You're Blind, entre parenthèses, Starlit One. Et encore une fois, assemblagerequis.com pour les liens de l'émission d'aujourd'hui. I think you're blind if you could only see how smart you are and what you might do. How far people go to get to you. I know that it's all right to believe it. True, you're think you're blind if you could only see. If we could only find a garden path or shortcut through your mind, how far on your go to see through? It seems so hard to take it, but I know we'll surely make it. C'était pas exactement celle que t'avais choisie, mais... Quand non, même. Mais c'est pas grave. Quand même, tu sais. Quand même. Quand même. Quand même. Quand j'étais proche de faire jouer la bonne, mettons. Je sais pas, t'as mis la quoi, la 1 ou la 2? La 1, non, j'étais à 2 de distance. Ah, quand même. Pas si pire. Avant de reparler ensemble, toi et moi, de discuter, de faire de la discussion, hein, du blabla, on va écouter un nouvel extrait de Stars, leur nouvel album qui sort bientôt, The Five Ghosts. Et cet extrait-là s'appelle We Don't Want Your Body. Assemblage Rocky. Oh, c'est fou. 89.1 FM. C'est un peu trop solennel comme ton, je trouve, non? Un peu. C'est fou. 89.1. Aussi avec Stéphanie Gagné. Hein? Est-ce que j'imitais bien le robot? Ouais, bravo. Toujours avec Stéphanie et Mathieu à Assemblage Rocky, émission estivale en pièces détachées. On est ensemble pour encore une heure et demie, donc on a atteint la mi-chemin de l'émission, je vous dirais. Mi-chemin qui est un excellent endroit, ma foi, non existante, pour parler de nouveaux CD. Exactement. De nouvelle musique. Exactement. Et on a, il y avait pas beaucoup de sorties d'albums cette semaine, contrairement à la semaine dernière. Il a fallu que je fouille un petit peu plus. Il y avait évidemment Stone Temple Pilots, mais je vais vous parler en premier de Karen Elson. Est-ce que tu connais Karen Elson? Don't know her. C'est une mannequin anglaise et aussi la femme de Jack White. Des White Stripes, des raconteurs. Ouais, parce des, que l'autre, Dead Weather. L'autre White, c'est sa sœur, ça. Hein? Ouais, c'est ça. C'est pas sa femme. Elle trompe pas, il trompe pas, non. Non. Alors, c'est ça, elle a sorti un nouvel album de Ghost Who Walks. C'était, on pourrait penser que c'est son premier essai comme chanteuse, parce que ça a déjà été vu des mannequins qui s'essayent comme chanteuses. Ouais. Comme des actrices qui chantent, des chanteuses qui actent. Toute la kit. Ou mais des non. héritières d'hôtels. Ouais, aussi. Flop total. Mais non, c'est pas son premier essai comme chanteuse. Elle a déjà participé à une troupe cabaret The Citizens Band qui est basée à New York. Et là, elle a sorti un premier album, The Ghost Who Walks, cette semaine. C'est un album qui a été produit, évidemment, par son mari. C'est un album assez dramatique. En anglais, on peut lire que ça se dit des murder ballads. Donc, des balades d'homicide. Ouais, est-ce que ce serait quand tu tues quelqu'un ou c'est ça, mettons? Ouais, mais c'est comme, de... c'est très, très dramatique, très noir comme musique. OK. Un peu gothique par bout, mais pas côté musique, juste vocalement. OK. C'est très noir. Alors, l'album, je l'ai écouté, c'est un peu long et moi, j'ai trouvé que ça formait pas un tout. Elle va avoir plusieurs différents styles et ça coule pas. Il y a une chanson qui a des influences un peu country, un peu bluegrass. Il y a d'autres que c'est vraiment un petit peu plus upbeat. Mais moi, j'ai trouvé que ça formait pas un tout, contrairement au prochain album dont je vais parler. C'est le nouvel album de Stone Temple Pilots. Et là, j'ai lu une drôle d'histoire sur le début du band et je vais vous en parler, même si ça n'a pas rapport avec l'album. C'est comment ils se sont rencontrés en 1990. C'est Scott Weiland, le chanteur, avec Robert DeLeo, qui est le bassiste. Ils se sont rencontrés dans un spectacle, ils se sont mis à parler, ils se sont rendus compte qu'ils avaient la même blonde. Hey, c'est ils sont restés... Oui, puis finalement, les deux ont quitté la fille, évidemment. J'espère, ouais. Mais ils se sont rendus compte que les deux aimaient la musique et blablabla. Et c'est comme ça que le band a commencé. C'est vraiment intéressant. Fait que je voulais vous en parler. Voilà. Bien fait, ça. Mais dans ce temps-là, c'était pas sur le nom de Stone Temple Pilots. C'est juste en 1990 que c'est devenu sous ce nom-là. Il y a eu Shirley Temple's Pussy comme nom. Bon. Ouais. On essaiera même pas de traduire ça. Hein. Non, ça va aller. C'est un peu comme les Pussycat Dolls. Hein. C'est un peu vulgaire. Un peu. Mais finalement, ils ont gardé l'abréviation STP, mais ils ont juste changé les mots. À la place de Shirley Temple's Ben Pussy. Oui, regardons ça, toi. STP. Colin. Alors, c'est ça, depuis quelques années, le band était plus n'était plus actif. On sait que Weiland, le chanteur, a eu plusieurs problèmes de drogue, entre autres, et il y a eu beaucoup de spectacles qui ont été cancellés. Le groupe s'est séparé à plusieurs reprises, mais au moins, ça l'a fait d'autres très bons groupes, par exemple The Magnificent Bastards ou Velvet Revolver, qui a eu quand même un bon succès. Il y a aussi eu Talk Show et Army of Anyone. Et Weiland a aussi sorti deux autres albums solo. Et depuis 2000, je crois, le band n'était plus actif. Ou 2003. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas été actifs pendant 5 ans. Et ils se sont réunis en 2008 pour une tournée de 71 dates. Et finalement, ça a fonctionné. Alors, Weiland a l'air de s'être remis de ses problèmes de drogue. Et là, ils ont sorti un nouvel album qui va vraiment satisfaire tous les fans de Stone Temple Pilots. Ils vont vraiment dans tous les genres qu'ils ont eu depuis 1986. Donc, contrairement à l'autre album de Karen Nelson qui voyait plusieurs genres différents, mais que je trouve qu'il n'est pas constant, celui-là est vraiment constant et vraiment très bon. C'est vraiment du bon pop rock. Des fois, il y a un peu de grunge, du rock d'arena. C'est vraiment... Du rock d'arena, ça, c'est genre quand tout le monde crie « wouhou » puis... Ouais, c'est ça. Quand, tu sais, des chansons sing-alongs là, ouais. Que tout le monde peut chanter en chœur. Comme dans Shrek, là. J'écoute pas Shrek. Non, moi non plus. Je m'excuse. Alors, voilà. C'est juste tellement à propos, là. Très belle liaison ici, d'ailleurs. Tellement ouais. À propos. Tellement à propos. Ouais. Tellement à propos. Alors, c'est vraiment un album rempli de hits. Je suis sûre qu'il va avoir un très bon succès avec cet album-là. Si Weiland est capable de se retenir avec la drogue. C'est tout pour mes albums. Bon. Et on va aller écouter, justement, le nouveau single de cet album-là, leur sixième album, Stone Temple Pilots. On va aller écouter la pièce « Between the Line » à Assemblage de... Sur C'est fou! 89 ans! I love it when you talk about love. You always

Hey, la gang, Mike à la technique m'annonce qu'on a le numéro 2 du Vatican au bout du fil. Oh, ça va chauffer comme un lendemain de soirée avec Anne-Marie Lozic, ça. Salut numéro 2, t'es sur Tor. C'était le numéro 2 du Vatican. On y va en rock sur Torque. Ah, ah, Stéphanie, ah! Non, là, on n'a pas le choix, là. Masque les noms, raconte ça avec... dis que c'est quelqu'un d'autre que la personne que c'est vraiment. Raconte-nous l'histoire que tu nous expliquais, là. Ben, pour ceux qui ont déjà été sur Chatroulette, vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui sont assez indécentes et qui ne se montrent pas le visage, mais une autre partie de leur corps sur leur webcam. Alors, quelqu'un et quelqu'un ont décidé... Et quelqu'une. Ouais, quelqu'une et quelqu'une... On n'aura pas de nom. On a décidé d'aller sur Chatroulette et de faire next jusqu'à temps qu'on pogne... Oh non! J'ai dit on! Bon, oui, ouais. Il, elle, au pluriel. Jusqu'à temps qu'elle tombe sur quelqu'un d'indécent et d'essayer de le... De le faire indescendre. Ouais, c'est ça, de le faire descendre. Voilà, avec un monsieur patate, entre autres. C'était très drôle parce que... C'était très drôle. Ça doit. Faites l'expérience, c'est vraiment once in a lifetime. Vive Chatroulette. Ah oui, j'adore Chatroulette. C'est tellement le fun à faire en gang, là. Ouais, ouais. C'est le fun. Pas tout seul, parce que tout seul, t'as l'air louche un peu. C'est ça, c'est un peu malaisant. Ouais, c'est ça. Ouais. Évidemment, là dans la question, vive, là dans la question. Je pense que ça se dit bien comme ça. Vive, vidon, là dans la question. Vive donc la longue question. Videonlalong.com pour aller en savoir plus sur eux. Et aussi, écoutez leur chronique toutes les semaines ici dans Assemblage Requis. Les jeudis entre 15h et 18h. On rappelle les samedis entre 16h et 19h. C'est l'émission que vous écoutez pour encore 1h15. Hein? Et puis, on va aller retourner en musique un peu, entendre de quoi donc? On va aller entendre Cage the Elephant avec leur single qui ont sorti Ain't No Rest for the Wicked. Ouais. Qui est la seule chanson que j'ai vraiment adorée sur l'album. Un one-hit wonder. Ouais. On aime ça, nous autres, des fois. Ben oui, ouais. Ça fait du bien de temps en temps. Cage the Elephant. Ouais. Comme « Mets ton éléphant en cage », qui est un autre euphémisme pour « Cache ton zouizoui ». Assemblage requis, c'est fou. I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking down the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. Your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish I could. Taking money from the church, he stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay, we got mouths to feed. et assemblage requis. conviction d'une adolescente défoncée. Et personne ne m'a vu tomber dans la ruelle, me relever en riant. J'ai le genou couvert de sang. On entend des choses en studio qu'on n'entend pas à la maison. Ben oui, mais je pense que ça a arrêté, donc ça devait être dans la chanson. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était vraiment bizarre. Faudrait demander au gars. Navet confit. Hey, la navet! T'as-tu mis des bruits dans ta musique? C'était quoi? C'était la fin de la deuxième heure d'Assemblage Rocky. Il y en a une troisième qui s'en vient après la pause. On va avoir, entre autres, la chronique technologique CNX. Et cette semaine, on discute de nos amis qui seront peut-être un jour nos maîtres, les robots. Comme dans le film de Will Smith. C'est ça. Mais sans Will Smith. Mais ce serait cool si on avait Will Smith, par exemple, dans l'émission, il pourrait faire comme des faits vécu de sa vie, parce que, ouais, vie remplie. Il pourrait nous parler de comment il est devenu prince de la ville de Bel-Air. Oh, oui, absolument. This is the story of becoming prince of Bel-Air. Hein? Puis on pourrait aussi lui demander ses impressions sur les Mardis de la Relève, sur la finale qui a eu lieu la semaine passée. C'est un grand fan des Mardis de la Relève. C'est clair. C'est sûr. Et aussi, il va avoir mon plat favori. Tout ça dans la prochaine heure. C'est une heure remplie. Restez avec nous à Assemblage Rocky. Le temps des plaisirs est fini. Vous êtes toujours à Assemblage Rec, l'émission estivale en pièces détachées. Vous êtes avec Mathieu Plante et Stéphanie Gagné. Et vous nous avez encore pour une heure à nous endurer. Pauvre vous! Mais il y a beaucoup de bonnes choses qui s'en viennent dans la prochaine heure. Oui, c'est vrai, on va voir la chronique technologique CNX. Tantôt, on parlait de robots, donc je vais parler comme ça tout le long de la chronique. J'espère que non, sinon ça va être vraiment long. Déjà assez long comme ça, une chronique CNX. Tu es en train de me dire que mes chroniques sont longues. Là, non, mais si tu parles comme ça, peut-être. Ah, OK. Mais on va commencer avec une pièce. T'as l'air de me trouver susceptible, là, tout d'un coup. Pas du tout. Ah. Alors, avant mon plat favori... T'as l'air pressé un peu, là. Pas en tout. J'arrête de quoi tu parles, Mathieu? Arrête. Oh, l'accent de Québec, non? Arrête, baleine. Arrête, baleine, ça vient de Saguenay. Ah oui, c'est vrai. J'ai passé un été au Saguenay et arrête et baleine sont restés. Ça a resté. Eh oui, mais on va aller écouter Portugal the Man de leur album The Satanic Satanist. Ouais, c'est vraiment bizarre comme nom d'album, je sais. Hein. Ça va être la pièce The Home. C'est un peu redondant, je trouve. Ouais, c'est un peu toujours la même affaire. C'est un peu comme un répétitif. C'est un peu comme un moment donné, on comprend, tu sais. Comme là, on a compris comme ce que ça, tu voulais ouais, dire. Genre. Do you ever listen for the sounds that your hands make? Did you know that we could make sound? I don't know what the palace knows, but I don't run with sheep. The shepherd can't hurt me. Never slow, it hesitates me. Slip back to the mountains where nobody knows me. I will make my home here, I will make my home here, I will make my home here. Roll the field, plenty to hold me. Try to keep us warm from the cold that burns me. My feet ever slow, it hesitates me. Slip back to the mountains where nobody knows. Portugal the Man! Avec la pièce titre de l'album de Satanic Satanist. C'est Satanist. Ouais. Je sais pas où mettre les accents dans les lettres, mais en tout cas, les syllabes. Ben, moi, je suis anglaise puis j'ai la misère à me dire. Alors, on a entendu la pièce The Home. Oui, The Home. Ok, c'était pas la pièce titre. Non. Français, c'était, okay. C'est The Home. Pour ça que je voulais que tu le présentes. Hein? Ah, hein? J'aurais donc dit. Ben oui, ben, c'est à un moment donné, hein, le professionnalisme, ça vient avec la tarte. Eh oui. Chose à la fois, là. Tu t'en penses, je trouve. You're importing yourself. You're so importing yourself. Tu vois, moi aussi, je peux faire de l'anglais là-dedans. T'es bien, bien bon. Merci beaucoup. Thank you. Thank you beaucoup. Thank you. Pretty neck. Beaucoup. T'as pas une suite? Beaucoup. Pretty neck. Hein? Hein? Hein?

Ça devrait vraiment prendre un bon monteur pour être capable de timer tous ces petits cris de wouhouhou sur l'image de la vidéo. C'est vraiment bon, hein? Oui. C'est vraiment bizarre. C'est tant un style de musique étrange. En regardant le vidéoclip, là, c'est absolument... C'est étrange aussi, ouais. Le vidéoclip avec le lama et tout ça, les vêtements super vaporeux dans une montagne. C'est pas une burqa, hein, mes poches. C'est spécial. Ouais. Alors voilà. Vous irez voir le clip pour comprendre de quoi je parle, moi. Oui. Quand vous écrivez The Dirty Projector sur YouTube, c'est le premier vidéo qui s'affiche. Pratique quand même. Voilà. Et voilà. C'était ton plat favori. Oui, c'était mon plat favori. The Dirty Projectors et la pièce Stillness is the Move. Voilà. Sinon. Hein? Hein? Mais c'est ça. Tu sais, tantôt, je vais faire la chronique CNX. Tu sais, une fois de temps en temps, je fais ça. Mais ouais. Dans ta chronique, ton plat favori, je t'aime te présenter moi aussi un de mes coups de cœur. Oui. Ouais. Évidemment, mon coup de cœur, tu vas en avoir sûrement entendu parler, je pense. T'as peut-être été sur la page de Google il y a quelques jours où il y avait le Pac-Man où on pouvait jouer. Ouais, ben non seulement il y avait Pac-Man pour jouer sur la page d'accueil de Google, mais apparemment ça coûtait très très cher aux entreprises. C'est vrai. On a annoncé, Google a souligné le 30e anniversaire évidemment de Pac-Man en mettant son petit jeu interactif sur sa page d'accueil. Ben ça a été tellement populaire qu'il aurait coûté une coquette somme en perte de productivité. Google estime que les internautes qui ont atterri sur sa page d'accueil, ils sont restés en moyenne 36 secondes de plus qu'à l'accoutumée. Sur cette base-là, le blog Rescue Time calcule que les 504,703 millions de visiteurs uniques du site y ont perdu globalement 4 819 352 heures en tout. En multipliant ce nombre d'heures par un salaire moyen de $24 de l'heure, c'est des gros salaires, je trouve, en tout cas. Assez. Le blog évalue que le Doodle jouable de Google a coûté plus de $120 millions aux entreprises du monde entier qui ont perdu l'attention de leurs employés au profit de Pac-Man. Pour contrer de telles pertes de temps, plusieurs entreprises bloquent l'accès à ce type de jeu en désactivant Flash, par exemple. Néanmoins, selon certaines études, ces jeux dits « casual », donc des jeux dans lesquels on ne s'investit pas tant que ça, ont un impact positif sur la productivité parce qu'ils réduisent le stress. Et mon coup de cœur mène à parler de google.com/Pac-Man. Si vous avez aimé Pac-Man, les gens se disent « Mais là, je vais avoir juste 24 heures pour jouer. » Non. Faites / Pac-Man, il est encore là. Pour combien de temps? Je sais pas, peut-être l'éternité. Allez sur google.com/Pac-Man pour continuer à perdre, à faire gaspiller l'argent. J'aimerais ça parce que moi, je suis une fanatique et une pro de Pac-Man. Ouais. On avait une vraie machine à Pac-Man à mon école, une vraie de vraie, là, puis j'étais vraiment une pro. L'autre jour, j'ai joué au bar, proche d'ici. Là. Le bar, là, à côté? Ah non? Manchester? Non, pas... Gagnus? Non. Le Café le campus. Campus. Je l'ai dit pas avant le campus, toi. Le Café Campus. Le Campus Café Bar. Bar Café Campus Grill. Ah! Il n'y a pas de grill, par j'avais oublié de jouer. Merde. T'es en train de jouer le live, hein? Oui. Ouais. Ah! Oh, Colin. Hey, non, je suis pas une si pro que ça, ces temps-ci. Je devrais être de ton bar à la place. C'est un peu compliqué d'essayer de parler en onde et de jouer au Pac-Man. Je vous l'apprends à l'instant. T'es en train de perdre là, tout l'argent non existant d'un employeur qui ne nous paie pas en ce moment. Mais là, j'étais pris. Ah, c'est pas juste. Bref. Bon, ça va faire. Voilà pour mon coup de cœur, c'était le mien. Et je vous reparlerai de Pac-Man dans ma chronique CNX tout à l'heure. Il y a d'autres petites nouvelles là-dessus. Hein? Colin. Est-ce qu'il reste d'autres nouvelles? Il n'y en a pas d'autres là-dessus, en fait. C'était pas mal ça, ma nouvelle sur Pac-Man, je pense. Ouais. Bref. Tantôt, CNX, hein? C'est pas tout de suite. On va retourner en musique. On va l'entendre un bon vieux, je dirais, classique, selon mes critères, évidemment. Des palmarès de C'est fou, on va l'entendre, une pièce de la formation Hockey qui s'appelle Too Fake et ça commence dans quelques instants. Et puis tout à l'heure, on parlera des Mardis de la Relève dans un autre bloc avec Stéphanie Gagné et moi de Robot dans CNX. Donc, ça s'en vient. Sur C'est fou, dans l'assemblage requis, l'émission estivale en pièces détachées. Comment tu peux crier? T'as pas l'air assez excité. Ah! Un Pac-Man! J'ai gagné! T'as gagné, pour vrai? Ben oui. C'est quoi ton score? Y a-t-il un score, là, t'sais? 4150. Ça veut rien dire. Talk. hurts, right? But I can't even talk to you about my effect on people, 'cause I'm doing the same thing to you. That's right, even right now. Oh, just wait up for me if you want to, but look out. La formation Hockey, la pièce Too Fake. En passant, j'ai écouté leur album Mind Chaos à Hockey récemment. Excellent. Tellement bon. J'adore ça, c'est vraiment mon genre de musique. Faudrait que j'écoute ça. Ouais. Hockey. Pourtant, c'est tellement ironique, vous direz, tu sais, qu'un Mathieu Plante aime un groupe qui s'appelle Hockey. Tellement. Je voulais t'expliquer le hockey, mais là, ça tard. Vaut comme plus la peine. Ouais. Étant donné que le hockey est terminé. Tiens-toi. Je vais pleurer. Je dirais bien, enfin, on va arrêter d'entendre parler, mais on n'arrêtera pas d'entendre parler d'autres, de toute façon. Non, parce que tout l'été, on va parler des contrats. Ouais. Ou du fait qu'ils vont jouer au golf pendant tout l'été, j'imagine. Est-ce que Plekanec va revenir l'année prochaine? Est-ce que Halak va revenir? Planche Halak. Qui va être gardien numéro 1 l'an prochain? Je sais pas. Alors, on va parler de choses que je connais un petit peu, un tantinet plus que ça. Hein? C'est la chronique technologique Cynix. Tash.com. J'ai presque oublié qu'il y avait une roulette. Nos amis les robots. Hey, nos amis les robots à un moment donné, hein? Je pense que c'est mon intro de chronique préférée ever. Ah, merci, ça me touche. Je l'aime tellement ton intro. C'est vraiment, je sais. Pour ça qu'elle a pas changé bien main, tu sais. Parlons de robots, parlons de nos amis qui seront peut-être un jour nos maîtres, un jour à un moment donné ton boss, tu sais, dans une place où tu vas travailler, peu importe, ça va être où. Ça va être un robot, peut-être. Donc, un robot, commençons par un robot qui singe les humains en temps réel. Combien de fois j'ai dit le mot robot jusqu'à maintenant dans la chronique? Au moins 5, je crois. Habituez-vous. Donc, le robot Maru peut danser, se dandiner et faire à peu près tout ce qu'un humain peut faire en même temps que ce dernier. Oui, c'est un long article de l'agence QMI. La plus récente version de ce robot humanoïde développé par le Centre de robotique cognitive du Korea Institute of Science and Technology peut imiter, oui, en temps réel, les mouvements d'une personne selon le site technoscientifique IEEE Spectrum. Baptisé Maru, ce robot est capable de mouvements précis et fluides dont la qualité s'améliore de jour en jour. La précédente version du robot devait apprendre à accomplir de nouvelles tâches au moyen d'une vidéo. Un vêtement de détection du mouvement porté par une personne permet désormais le transfert de l'information des mouvements de cette dernière directement à Maru. Les gestes peuvent également être enregistrés pour être reproduits plus tard. La recherche du Centre de robotique cognitive du KIST est axée sur la conception de robots qui accomplissent des tâches pour les humains et les réalisations du centre ont déjà fait les manchettes, leur nouveau modèle se montrant capable d'accomplir des tâches toujours plus complexes. Des versions passées de Maru étaient en mesure de faire l'épicerie ou encore de servir des plats aux tables. Et je cite le site web du KIST, « Les avantages offerts par des robots humanoïdes interactifs sont de plus en plus évidents puisque le marché pour les robots industriels traditionnels n'offre plus les mêmes perspectives de croissance que par le passé. L'objectif du centre est le développement de nouvelles technologies d'agents intelligents qui mèneront au déploiement de services aux personnes par la combinaison de technologies d'intelligence et de technologies de biomimétisme, beaucoup de gros mots, et de captation-contrôle du mouvement aux technologies de la robotique traditionnelle. » Des termes là-dedans, des termes. Les Sud-Coréens repoussent sans cesse les limites de la robotique, nous dit un article de Branchez-vous. Leur dernière innovation, testée pour la première fois sur un sujet vivant récemment, est un robot aussi petit qu'une mine de crayon de plomb et destiné à déboucher les veines d'un patient. Park Jong-ho, responsable de l'équipe de recherche affiliée à l'université de Chunum, affirme avoir injecté le micro-robot de 5 mm de long et d'1 mm de large dans les veines d'un cochon. Et je cite, « Le système de contrôle et de navigation qui nous permet de diriger le robot dans n'importe quelle direction et de contrôler visuellement ses déplacements en temps réel est une technologie qui contribuera fortement au développement du monde de la médecine robotisée dans le futur. » C'est ce qui expliquait M. Park lors de l'annonce publique de son exploit. Ce robot est destiné à offrir une alternative non évasive aux patients humains atteints de maladies cardiovasculaires. Sa petite taille permettra aux médecins d'atteindre certains vaisseaux d'un diamètre aussi petit que 2 mm, comme les artères coronaires. Une fois le bouchon de la veine atteint, le robot y perce un orifice grâce à son foret capable d'atteindre les 1800 tours par minute. Au besoin, une soute à médicaments embarquée dans le robot. Wow! Peut aussi libérer les remèdes directement dans le sang du patient. Le robot est en mesure de se déplacer à une vitesse de 50 mm par minute. Des réglages permettent une navigation automatique d'un point A vers un point B dans l'organisme, mais les scientifiques peuvent aussi le contrôler manuellement. Bien que l'expérience menée sur un cochon soit une réussite, les chercheurs estiment que ce type de robot ne pénétrera pas le corps humain avant une bonne dizaine d'années. En passant, il y a 3 ans, le ministère de l'Économie avait investi la somme de 17,8 millions de dollars sur 7 ans pour développer des robots miniatures et d'autres projets similaires. Voilà donc pour ce robot qui va pénétrer dans vos veines peut-être dans 10 ans. Récemment, TheCorpora.com a annoncé les spécifications de leur très attendu robot Cubo. C'est un robot à intelligence artificielle à source libre, source ouverte, avec un système d'exploitation Linux à l'intérieur du robot. Cubo mesure 18 pouces de haut, environ 12 pouces de tour, Caroline, de tour, de taille, voilà. Il pèse environ 22 livres, donc petit robot, assez grand pour ne pas se faire piler dessus, mais assez petit pour ne pas avoir à s'en faire qu'un jour il devienne votre maître, parce qu'il est bien trop petit pour être votre maître. C'est un article de botjunkie.com qui nous parle de ça. Une des choses cool chez le Cubo, c'est qu'il va, par sa caméra, comprendre les images en stéréo. Donc, ça veut dire qu'il va reconnaître les objets en 2D et en 3D. Il va aussi reconnaître et synthétiser du parlage. Il va être capable de comprendre ce que tu lui dis. Vous allez pouvoir avoir une conversation avec ce robot-là. Assez incroyable. On n'a pas encore trouvé exactement c'est quoi l'utilisation pratique du Cubo, mais quand même plusieurs opportunités qui vont être dites d'ici les prochaines années. On parle que ça pourrait peut-être être un genre d'animal de compagnie. Tu chien de compagnie, comme un Tamagotchi, si on veut. Mais est-ce qu'il faut lui parler en français? Pour l'instant, j'imagine que c'est seulement anglais, mais avec le temps, peut-être l'allemand et le français et les autres langues. Parce que je me dis que les Québécois, là, non, ça marchera probablement pas. C'est ça, je dis non. Sûrement que ça marchera pas. Bref, c'est selon le site de Corpora. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Tiens, on parle encore une fois sur budjunkie.com. Après des mois de recherche, la main prothèse B-Bionic, d'accord? Après des mois de recherche et de développement et de planification, etc., la compagnie RL Steeper, la compagnie qui est responsable pour cette main B-Bionic, a lancé cet incroyable produit à la World Congress and Trade Fair de Leipzig en Allemagne, qui avait lieu à la mi-mai. À la mi-mai, comme dans une main prothèse qui fait des mimes. Mi-mai. Bon. La main prothèse est non seulement une prothèse, mais elle est aussi myoélectrique. Ce qui veut dire qu'elle peut être contrôlée par la pensée des gens. Une technologie qui est toujours en développement. Hein. La main bibionique a été montrée, a été testée à la foire et le public général a réagi avec une réaction très, très positive. Plusieurs utilisateurs, des gens qui l'utilisaient pour la première fois, ont trouvé la main bibionique extrêmement facile à utiliser et incroyablement réaliste. Quand tu la regardes, il faut aller voir sur assemblagerequis.com pour voir la photo. On peut même prendre des pièces de monnaie avec cette main-là. Imagine une pièce de monnaie, mais avec une main normale, c'est un peu dur à sortir d'une table, tu sais. Avec la main, ça fonctionne très bien. C'est ça, la photo. C'est un mélange de silicone et de micro-pigmentation qui ajoute de l'extra-réalisme, ou du réalisme additionnel, si on veut. Des mains tellement réalistes qu'un jour, peut-être, que vous allez pouvoir vous faire égorger par un robot avec des mains comme ça, je sais pas. Ça pourrait arriver. À un moment donné, les robots, ils vont devenir nos mains, on le sait. Au CES, le Consumer Electronics Show, au mois de janvier, ils ont présenté le robot Kokoro iFairy. Et là, on se demandait, bon, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait? Apparemment, il fait des mariages. C'est vrai. Donc, c'est un robot qui a marié une femme, Satoko Inu, voilà, qui travaille chez Kokoro, qui est la compagnie qui a fabriqué ce robot-là, et son mari, Tomohiro Shibata. Quand même génial. On se demande dans l'article, c'est très très flou à savoir si c'est légal comme mariage, parce qu'apparemment que dans certains États des États-Unis, dans certains pays, ça désigne dans la loi que c'est une personne qui doit faire le mariage, alors que dans d'autres instants, d'autres endroits, ça dit qu'il faut un officier. Donc ça ne précise pas nécessairement une personne. Donc peut-être qu'un jour, vous serez marié par un robot et la loi n'aura même pas besoin de changer. vous le savez peut-être, moi je ne savais pas, mais apparemment selon l'article, que le président Obama a changé le focus, si on veut, du programme d'espace américain. Je ne sais pas comment on appelle ça, le US Space Program, le programme de l'espace, là, en tout cas. Bref, apparemment ça ne l'attend plus tellement d'aller sur la Lune. Il change d'idée un peu. Donc la NASA propose de remplacer l'être humain qui va aller sur la Lune par un explorateur robot humanoïde qui marcherait sur la surface lunaire à l'intérieur des trois prochaines années. Au moins d'ici 3 ans. C'est le projet N, qui n'a pas encore reçu de fonds. Il n'a pas encore été approuvé non plus. Mais bon, bref, c'est leur plan. Et vous pouvez aller voir une vidéo du Robonaut, parce qu'apparemment ils ont déjà développé la technologie derrière ce robot-là qui va s'en aller sur la Lune. Et son corps et son torse et sa tête, son torse et sa tête font partie du Robonaut, qui est un autre projet de l'International Space Station. Bref, allez voir la vidéo. C'est vraiment cool comme idée d'envoyer des robots à la place des humains, parce que ça va coûter pas mal moins cher. Toute l'infrastructure qu'il faut faire pour réussir à envoyer des humains sur la Lune. Une autre idée folle qui vient du Japon dans le bloc CNX sur les robots, nos bons amis. C'est un nouveau robot simulateur de crabe presque, je trouve. Alors, regardez, de mouches, de moustiques. Bref, c'est le navi-robot qui est fait pour donner aux conducteurs de voitures une assistance de navigation visuelle. En plus de leur GPS, tu as ce petit robot-là qui est sur ton dash. Ton tableau de bord, hein? Bon. Et puis qui te fait des signes. Donc ça va aider les personnes qui ont des problèmes d'ouïe, donc d'oreille. Tu sais, avec un GPS, ça va dire tourne à gauche dans 300 mètres. Là. Bon. Et tu l'entends pas quand t'as pas d'ouïe, là? Allô? Hein? Ouais, mais aussi des flèches. Ouais, mais là, faut que tu regardes les crabes, là, tu regardes plus la vue de la route. Là. Mais là, il va falloir que tu regardes ton crabe. Ouais, ton crabe est dans ta face, il est devant toi. Ah! Ah! Donc, le crabe va te faire des petits signes. Là. Ses yeux vont s'allumer pour avoir ton attention. Et puis, ses pinces, parce que c'est supposé être un crabe, là, ses pinces vont vibrer, vous disant de tourner dans tel temps. Mignon, fonctionnel, très gentil. La compagnie Pioneer et iAccess Research ont trouvé cette idée-là selon un article de Engadget.com. Très rapidement, une vidéo qui fait des petites culbutes sur YouTube. C'est ce qu'on nous montre dans le prochain article sur assemblagerequis.com. Donc, un robot rempli d'élégance et de manœuvrabilité. D'habitude, un robot, on ne s'entend pas à ce que ça peut se sauter faire une culbute. Là. C'est ce que ça fait dans ce petit vidéo-là. Un autre qui est de Toyota, c'est un robot qui joue du violon. Parce que, tu sais, d'habitude, on connaît Honda. Tu sais, Honda qui sont très, très robotiques. Ils travaillent sur des robots depuis des dizaines d'années, là, Honda. Mais Toyota, eux, on l'entend moins souvent. Apparemment, qu'ils travaillent sur ce robot-là depuis 2007. C'est un robot humanoïde qui joue du violon. Donc, littéralement. Et il travaille aussi sur le Winglet. Donc, peut-être que vous avez entendu parler du Winglet à un moment donné. C'était un véhicule robotisé qui ressemblait à un Segway. Bref, ce robot-là, qui joue du violon, est dans la vidéo sur assemblagerequis.com. Il mesure 1,52 m, pèse 56 kg. Et est vraiment génial. C'est juste vraiment cool. Donc, voilà pour la portion robot de la chronique. Et là, comme une fois de temps en temps dans le blog CNX, j'aime vous parler d'une nouvelle que j'ai aimée, d'un site web que j'ai aimé, et puis d'autres affaires. Donc, on commence par la petite nouvelle de la semaine. C'est le docteur Mark Gasson de la University of Reading, ou Reading, qui affirme être le premier humain à avoir été infecté par le virus d'un ordinateur. Des scientifiques britanniques s'étaient implantés une puce électronique dans la main lors d'expérimentations portant sur les risques potentiels que représentent les implants médicaux. Selon Science Daily, Dr. Gasson a démontré qu'il est possible de faire transmettre le virus d'un ordinateur à des systèmes de contrôle externes. S'il y avait eu d'autres puces connectées à cet ordinateur, elles aussi auraient été infectées par le même virus. Les résultats des expérimentations du Dr. Gasson suscitent quelques craintes au niveau médical. En effet, les dispositifs électroniques tels que les pacemakers ou les implants cochléens deviennent de plus en plus sophistiqués et il y a un risque qu'ils se fassent contaminer par d'autres implants. Et je cite, « Les bénéfices apportés par cette technologie s'accompagnent de risques au niveau de la vulnérabilité au virus et de la sécurité. » C'est ce qu'a expliqué le scientifique. « Il ne faut pas oublier la menace qu'un pirate prenne le contrôle en ligne de la puce ou de l'implant. » Peut-être juste installer macOS sur ton pacemaker. Avec iPhone 4.0. En dépit de ces risques, Dr. Gasson prédit la grande popularité de ces implants. Et le Dr Gasson utilisait la puce de sa main pour franchir les portes de sécurité et activer son téléphone cellulaire. Wow, le gars est vraiment techno. La puce en question est une version plus sophistiquée que les puces d'identification installées dans le corps des animaux de compagnie. C'est les petits graineries qu'on installe dans les pattes des chiens et des chats depuis quelques années pour avoir leur dossier médical dedans. C'est une version évoluée de ça. Ensuite, mon site de la semaine, c'est snoopon.me. Donc, snoopon.me, hein? Qui est un site à la Big Brother. J'aime bien le principe. Donc, pour vous inscrire à Snoop on Me, vous devez installer le logiciel Little Snoop, qui est un petit utilitaire à source libre, donc que les gens peuvent modifier à leur guise. Il n'y a pas encore de version Mac, c'est seulement PC pour l'instant. Et ça capture une photo de ton écran d'ordinateur, donc littéralement ce que tu es en train de faire en ce moment, et le poste directement sur le site web snoopon.me. Donc, c'est vraiment une communauté où tu peux regarder ce que les gens sont en train de faire. Et ce que de vraiment bien, c'est que les captures d'écran sont rapetissées pour que tu puisses pas lire. Donc, il n'y aura pas d'informations de compte bancaire ou rien qui va pouvoir être volé. Ça se pourrait qu'il y ait des fois de la porn, on sait pas. Ça se pourrait que ce soit des vidéos sur YouTube, juste un fond d'écran basic de Windows. Là, en ce moment, je vois plein de fenêtres, par exemple, de Google Chrome. Et là, ça te le dit par utilisateur. Donc, vraiment, à chaque ligne, tu as, mettons, l'utilisateur, bon, Kevin Sa, et trois de ses captures d'écran. Donc, c'est super. Je trouve que c'est cool. Facebook, jeu. Oui. Je suis là-dessus. Bon, ouais. Oh, okay. Les graphiques, quelqu'un qui fait ses devoirs. Vraiment cool. Ouais. Et si t'es déjà un membre, t'as juste à cliquer sur le petit icône Little Snoop qui est dans ta barre de tâches pour ouvrir ta page personnelle. Vraiment, vraiment cool. Vous pouvez partager la page sur Facebook et sur MySpace, d'autres fenêtres qui sont affichées. Vraiment cool. Snoopon.me. Et pour presque terminer, tu savais sûrement que c'était la journée geek nationale des geeks, journée internationale des geeks même, il y a deux jours, c'était mardi le 25 mai, journée internationale de la fierté geek. C'est ça, c'est une journée qui existe pour vrai, mais c'est pas compté comme un jour férié par le gouvernement, malheureusement. Allez voir sur geekquebecois.com pour un paquet d'activités qui ont rapport avec cette journée-là. Et selon Wikipédia, cette journée est célébrée depuis 2006 pour souligner la sortie du premier Star Wars en 1977. Plusieurs activités sont prévues à travers le monde ou étaient prévues, dont Calgary et la Nouvelle-Écosse. Bref, voilà pour la journée geek. Je vous salue, je me salue. Moi et les autres geeks. Et là, vraiment, pour terminer ce beau petit bloc CNX, ce bloc geek, on parlait plus tôt dans l'émission de Pac-Man. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre un remix de Pac-Man dans mon petit côté chiptune pour terminer la chronique, parce que c'est comme ça qu'on termine d'habitude. Avant-garde, post-moderne, contemporain, c'est ce qu'on dit de cette chanson-là, de basée sur Pac-Man. Évidemment, la version originale d'arcade de 1980 par Namco. Donc, l'artiste ici s'appelle Israfel. Et puis, c'est un arrangement original de la chanson thème qu'on connaît tous, le petit 5 secondes au début de Pac-Man. La chose qui est vraiment intéressante, c'est que c'est super minimaliste. Ça commence, là. Vraiment, tu te demandes, mais voyons, c'est pas Pac-Man pantoute, là. Et là, le thème avance et devient de plus en plus reconnaissable alors que la musique va progresser. Donc, le gars dit, je me disais que c'était comme une télé qui progressivement devenait de plus en plus claire dans sa réception. Donc, ça part de la neige jusqu'à la fin. Et c'est de là que vient le nom Glass Cage pour cette pièce. Glass Cage comme une cage de vitre, comme une télé. C'est super mignon. Voici... bravo. Beau travail. Voici Glass Cage de Israfel. Assemblage requis sur les ondes de C'est fou. Thank you. radio dans les mots de Hiro Nakamura de la série Heroes. Comme qui dit Yata! Vous écoutez, c'est fou. Je me demande qu'est-ce qu'il va écouter maintenant que Heroes a été retiré des ondes. J'adore ça! Radio, radio qui dit d'écouter, c'est fou, c'est écœurant. C'est écœurant. J'adore. Vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou. Ben oui, sans Heroes et sans Lost, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écouter Assemblage requis. C'est de même. C'est le choix. C'est fini. Alors, oui. Cette semaine, mars de la relève. Oui. Je te vole les mots de la bouche. Exactement. C'était la grande finale que j'avais déjà prédit quelque chose. C'est ça. Mais bon, alors je vais vous raconter un peu comment la soirée s'est déroulée. Alors, la soirée a commencé avec Audionaut, un groupe que je voulais même pas voir en finale au départ. Hey, peut-être qu'il écoute, là. Mais c'est un groupe rock. C'est assez bon côté instrumental. La musique est super bonne, mais c'est la voix qui est vraiment faible. Alors, c'est ça, et le public n'a pas semblé apprécier tant que ça. Il n'y avait pas beaucoup de contact avec le public non plus. Alors voilà. Ensuite, il y a eu le deuxième groupe, Love Beach, un groupe que j'avais adoré en quart de finale et en demi-finale. On dirait un peu qu'ils ont des influences années 80. J'adore. Okay. C'est l'ancien groupe Shake It Corrida. On peut trouver que ça ressemble un peu à du Muse ou The Police, entre autres. On l'a fait jouer une fois ou deux ici à l'émission et on va en refaire jouer. Il me semble que tu l'avais fait jouer, non? C'était du Shake It Corrida que tu avais fait jouer. Oui, Shake It Corrida, puis j'ai pas trouvé de MySpace quelconque pour Love Beach. Je pense pas qu'ils en ont fait. Alors, habituellement, il y a zéro contact avec le public, cette bande-là, en tout cas, du moins pour les deux autres prestations d'avant. Habituellement, ils ont juste leur petit inside joke qu'ils font avec leur petite clique qu'ils ont dans le bar. Alors, et toutes les autres se sentent comme super mal à l'aise parce que les blagues, ils comprennent pas. Ouais. Là, c'était un petit peu moins pire que d'habitude, mais quand même, ils ont fait des petits inside jokes pour leur clique. Ensuite, il y avait Atomic Baobab qui ont eu vraiment, honnêtement, une prestation assez déchaînée. La voix était un peu faible, mais il y avait une bonne raison pour ça, c'est que le chanteur n'arrêtait pas de sauter partout, il dansait. C'était vraiment, vraiment déchaîné. Atomic. Oui. Et aussi, les instruments, c'était hyper bon. C'était super tight. Oh! Ouais. Ça a été un mot assez utilisé pour les juges cette année, le mot tight. Si le band était tight ou pas. Ils ont aussi, qu'est-ce que j'ai apprécié, ils ont parlé des groupes qu'ils avaient aimés durant tout le concours et qui se sont pas rendus à la finale. Ah, un hommage un peu. Ouais, ils ont c'est parlé cute. De Two Green Cats, je crois. Je m'en rappelle plus, c'est exactement ça le nom du band. Moi, j'avais pas apprécié tant que ça. Mais j'aimais, ils ont parlé de Piff Paff Hangover, un groupe que j'avais trouvé vraiment bon et que Atomic Baobab avait adoré. Ils ont même dit « ça n'a pas de bon sens » quand ils ont gagné pour se rendre en finale. Ah. Parce qu'ils avaient tellement aimé Piff Paff Hangover puis ils auraient vraiment aimé que Piff Paff Hangover se rende en finale. Alors, j'ai vraiment trouvé ça le fun qu'ils parlent de ça. Et si vous vous rappelez, la semaine passée, moi, j'avais prédit une victoire de Atomic Baobab. Et finalement, c'est Atomic Baobab qui a gagné. Okay. Est-ce que c'est nécessairement celui que tu aurais aimé qui gagne? Ça, c'est peut-être un autre j'aurais sujet. Aimé ça que ce soit Piff Paff Hangover. Ouais. J'aurais vraiment aimé, mais avec les trois groupes qu'il y avait en finale, j'étais super contente que ce soit Atomic Baobab. C'était vraiment super bon. C'est pas de la musique super... C'est un peu funk. Alors, c'est pas de la musique très, très radiophonique, mais moi, j'adore. Ça devrait être apprécié parce que c'est super accessible quand même comme sorte de musique. Alors, la foule a adoré. La foule est en délire. Ça n'arrêtait plus d'applaudir à la fin. C'était très, très bon. C'était vraiment une très belle soirée. J'étais bien contente du choix des juges. Ben oui. Alors, on va aller écouter une pièce qui se retrouve sur leur MySpace. C'est ma pièce préférée de ce groupe-là. Ça s'intitule Foxtrot Uniform. Et on écoute ça sur les ondes de C'est fou 89,1 FM. Don't care about addiction. You need prescription. Let's have the old day. You don't need to know. So what about Il y a un lien avec Atomic Baobab d'avant. Tic-tic-tic-boom. Parce que musicalement, ça ne fitait pas pantoute, mais côté... ouais. Ouais, The Hives. Oui, The Hives avec Tic-tic-boom. C'est la fin d'Assemblage Rocky pour cette semaine. On se retrouve toujours, tous les jeudis, entre 15h et 18h, tout l'été. Et puis on rappelle les samedis à 16h. Si vous écoutez le jeudi, c'est la spirale qui va suivre avec Mathieu Leblanc-Houl. Restez là pour ça. Et puis les auditeurs du samedi, eux, ben, ils vont devoir rester à l'écoute jusqu'à 21h minimum pour entendre le vestibule avec Jean-François Pecto. Moi, je vous retrouve au Palmarès, c'est fou. C'est lundi, ça, à 15h. On rappelle vendredi à 17h. Et puis sinon, ben, quoi d'autre à ne pas rater, toi, de ces temps-ci? L'émission de Simon, on s'appelle une fois semaine. Ça a lieu les mercredis à 15h. Toujours très bon, lui aussi. Tout le monde à C'est Fou est tellement bon. Je vous conseille d'écouter ça 24h sur 24 sur le cestfou.ca. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les liens d'émission d'aujourd'hui et pour la balado-diffusion à chaque semaine. Stéphanie passe une très, très belle fin de semaine. Toi aussi, Mathieu. Et vous aussi à la maison. On va se quitter avec Malajube. Oui, une pièce de leur dernier hippie. La pièce, c'est Jam Perdu. Oh! D'accord. Alors, à la semaine prochaine. Donc, on va jammer comme des perdus en studio pendant la pièce. C'est clair. Dans nos affaires. Bye. Bye. Tu sais que la semaine prochaine, la semaine passée, on avait fait une promesse de jouer une toune de Malajube du film de Trotsky. On n'a pas fait ça. Comme on avait promis qu'il allait avoir Mathieu. Comme on avait promis que Mathieu serait là et qu'il n'était pas là. On l'a pas l'affaire.